dangereux. Je n'ai pas froid aux yeux. Dérapage contrôlé, un écran de fumée. J'ai gonflé le moteur, pas de rétroviseur pour regarder derrière, non plus de marche arrière. En plus j'ai de l'essence pour chauffer la puissance. Dans ma belle mécanique, je roule des mécaniques qui m'aiment suivre ou me poursuivent. J'ai une méga chouette conduite intérieure qui m'aime chasse ou bien pour chacun. Je limite les accros à mon tailleur vert smart. C'est peut-être un peu voyant, un volant de diamant, des sièges en léopard. Quand à la lune cigare, il est en un seul lieu. Mais attention les yeux, tu vas être étonné, c'est tout capitonné. Toi mon autostoppeur, mon petit tu n'as pas peur de franchir les frontières, les nuages de poussière. Dans ce transport d'essence qui nous met tout.